Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Aujourd'hui, il me fait plaisir d'accueillir à l'émission M. Jocelyn Paquette, photographe, qui va nous parler non seulement de sa passion pour la photographie, mais également de son entrepreneurship qui a fait en sorte qu'il est devenu non seulement un bon photographe, mais également un excellent homme d'affaires et qu'il a su, grâce à sa passion, à créer sa propre entreprise, quelque chose qu'il va nous expliquer aujourd'hui. Fantastica est une émission qui parle de passion. Et aujourd'hui, j'ai tout un passionné avec nous. On parle pas juste une passion en général, c'est un individu. Écoute, Jocelyn, en toute sincérité, je pensais pas que je trouverais un jour un individu qui avait plus de passion que j'en avais moi dans ma vie, parce que j'en ai fait des choses. Et toi aussi, je me rends compte, on en a parlé tantôt un petit peu avant de rentrer en onde, à quel point tu as fait une panoplie de choses pour arriver à ce que tu as aujourd'hui. Alors, bien sûr, je suis avec M. Jocelyn Paquette, qui est le propriétaire de l'entreprise Les Archives du Photographe. Mais c'est un individu ou un chroniqueur, parce qu'on va appeler ça comme ça doit être, c'est un chroniqueur qui va nous parler de photographie et qui va nous parler d'histoire. On va mixer les deux ensemble. Mais aujourd'hui, on fait une entrevue de présentation. On va apprendre qui est M. Jocelyn Paquette. Jocelyn, bonjour. Salut mon Christophe, comment ça va? Ben moi, ça va bien. Et toi? Numéro 1. On s'est parlé un peu avant en onde, puis on se remémorait un peu de le temps qu'on depuis le temps qu'on se connaît, en fait. Là, sais-tu quoi? Je t'ai fait vieillir. J'ai quelque chose ici que je dois dire en onde, Jocelyn. Je n'ai présentement qu'un seul avantage à toi, et c'est j'ai moins de cheveux blancs que toi. C'est vrai. Mais moi, par contre, c'est ça. C'est que j'ai vieilli beaucoup, oui, effectivement, parce que j'ai eu des enfants. Puis ça, pour moi, c'était tout un changement. Parce que tu sais que tu parles à un gars qui est enfant unique. Hein? Ben, sais-tu, on est deux. On est deux enfants uniques. C'est vrai, oui, c'est vrai. Je me souvenais de ça, effectivement, que toi aussi, tu étais unique. Parce que ça fait... Ben, on pourrait quasiment dire, au moment où on fait notre entrevue, ça fait pratiquement 25 ans, genre, là. Carrément. Parce que c'est à quelques semaines, je te dirais peut-être 2-3 semaines, ça va faire 25 ans qu'on se connaît. Parce qu'on s'est connus sur les bancs d'école. On s'est connus dans un moment tournant, dans mon cas, moi, c'est un moment tournant dans ma vie, parce que c'est le moment où je m'inscris à un cours de photographie. Je m'en vais chercher, en fait, un diplôme, juste pour dire que j'ai un diplôme comme photographe, parce qu'en réalité, la photographie, je la pratique déjà professionnellement, si tu veux, depuis un certain temps, à ce moment-là. Ça fait depuis 1986 que je fais de la photo et que je gagne des sous avec ça, à ce moment-là. mais il me manquait le papier, puis on dit toujours que les papiers, des fois, c'est assez important. Oui, effectivement. Bon, je suis allé chercher ce papier-là, et ce papier-là a donné suite, justement, à la naissance d'une entreprise. Cette entreprise-là, on va en parler tout à l'heure, s'est transformée autour des années 2000. En fait, en 2004, elle a pris même un autre nom, et s'est spécialisée dans une lignée. Parce que, donc, la photographie, oui, on fait ça pour devenir photographe, mais à ce moment-là, nous, on étudie la photographie, on est dans un chambardement incroyable, oui. Parce que là, on passe de l'argentique au numérique, mais le numérique n'est pas encore tout à fait la technologie à point. Et les photographes, les vieux photographes qui sont là se posent des questions. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Les gens veulent avoir du numérique, mais là, nous, on travaille en argentique, puis je suis pas prêt à investir 5000 $ sur un appareil qui fait du 2 millions de pixels. Oui, exact. Non, effectivement. C'est pas gros, ça, là. Non. Pour un photographe pour professionnel. Pour l'époque, c'était comme le... Ben oui. C'est un chambardement qui était... Puis d'ailleurs, si je ne me trompe pas, quand on a fait nos cours de photo, toi et moi, c'était l'avènement du vidéo parce que c'était la première... On était dans le premier groupe à être testé pour le nouveau programme. On était la première cohorte, effectivement. Exact. Et à ce moment-là, il y avait inclus le vidéo pour la première fois. Oui. Ce qui, pour moi, je faisais ça les yeux fermés parce que moi, j'étais en cinéma, donc le vidéo, pour moi, c'était mon domaine. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin d'étudier. C'est quasiment moi qui aurais pu donner les cours. Ah, écoute, puis moi, j'en faisais également aussi déjà à l'époque. Puis j'en avais encore fait également professionnellement. Je me souviens là, d'avoir fait quelques émissions et collaboré à quelques émissions avec mon propre équipement vidéo. Donc, écoute, on a vécu, nous autres, un chambardement à ce niveau-là. C'était un tournant. Et puis, ce tournant-là n'était pas tellement facile pour personne, non. Surtout pas pour les anciens photographes. Encore et moins pour les professeurs. Ben non, sûrement pas. Puis, parce qu'eux, il fallait qu'ils se mettent à jour constamment, là, tout ça. Et moi, j'ai suivi beaucoup de cours, entre autres, en infographie par la suite, là, justement, pour... assimiler, entre autres, les Photoshop qui, à l'époque, n'étaient pas le Photoshop d'aujourd'hui. Donc, je suivais des cours de perfectionnement à toutes les sessions. C'est pas compliqué. À toutes les sessions, j'avais ça pendant 3-4 ans, j'ai fait ça. Écoute, puis ça a donné de bons résultats malgré tout. Là, maintenant, je me débrouille assez bien et je suis capable maintenant de faire plus sur un ordinateur que de simplement peser sur le piton Power. C'est bon, ça. Mais ça commence où, cette belle passion-là? Parce que là, tu vas nous raconter l'histoire de ta vie passionnelle. Ouais. Dans le sens que à un jeune âge, tu as déjà eu les premiers déclics de ces merveilleuses passions qui t'ont animé. Oui, et ça va te faire plaisir parce que toi, je te connais, tu es un grand amateur de cinéma, tu connais pas mal de choses là-dessus. Et moi, ça a commencé très, très jeune, tu le croiras pas, mais fort probablement que ça arrive à certaines personnes qui sont très passionnées de voir leur passion naître en aussi bas âge. Moi, ça a commencé à 6 ans. OK. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement déclencheur à tout ça. Et cet événement déclencheur-là va me propulser à différents niveaux dans mes passions. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, j'ai plusieurs passions. Mais cette passion-là va se déclencher surtout à ce niveau-là. Pour la passion que je parle, c'est la passion qui m'a amené à faire cette entreprise-là que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est à l'âge de 6 ans. Hein? Ben oui, à l'âge de 6 ans. Imagine-toi que je suis installé chez mes parents... Et parce qu'à 6 ans, j'habitais encore chez mes parents. Ah oui, non, mon Dieu Seigneur. Je suis vraiment déçu de toi, Jocelyn. Là. J'aurais pensé que tu serais devenu autonome plus rapidement que ça. Ben oui. Mais là, écoute, c'est un dimanche en plus. Je me souviens de la journée. Un dimanche, je regarde la télévision et on y présente un film qui n'est pas tout à fait jeune déjà à cette époque-là. On parle ici du film « La machine à explorer le temps » de George Pal. Mm. Tu sais, ça mettait en vedette Rod Taylor puis Yvette Mimieux. Ça parle d'un monsieur qui, lui, vient d'inventer une machine. Cette machine-là, il veut l'utiliser puis il veut aller visiter, lui, le futur et non pas le passé. Donc là, il se met à avancer lentement, puis il regarde une madame en avant là, qui est avec change de mode tout le temps. Moi, c'est le mannequin, en réalité. Le mannequin qui est tout le temps. Écoute, ce mannequin-là, c'est incroyable. C'est peut-être une des petites erreurs du film, parce qu'il est là, on dirait, quasiment pendant 100 ans. Ben, tu sais, ça coûtait cher, les mannequins, à l'époque. Fait qu'il fallait que tu l'utilises jusqu'à ce qu'il soit vraiment usé. En tout cas. Fait que bref, il s'en va, lui, puis il voyage dans le temps, puis tout ça. Puis là, moi, je regarde ça avec mes yeux d'enfant. Écoute, une machine à voyager dans le temps. Crois-le ou non, je suis peut-être un petit peu attardé, mais je croyais encore au Père Noël, moi, encore à l'âge de 6 ans. Et qu'est-ce qui a été ma demande pour Noël, d'après toi? Je viens de comprendre pourquoi tu étais encore chez toi à l'âge de 6 ans, Justin. Une machine à voyager dans le temps? Bingo! Là, je demande une machine à voyager dans le temps au Père Noël. Et imagine-toi, qu'est-ce qui arrive, d'après toi? Un appareil photo. Non, même pas. Même pas, non. Je ne reçois pas la machine à voyager dans le temps. Donc là, tu as arrêté de croire au Père Noël. Mes illusions étaient brisées. Écoute, j'ai su là que le Père Noël avec lequel j'avais fait affaire était un imposteur. Et ça m'a crevé le cœur. Je te jure, là, c'est incroyable. Première passion détruite. Le Père Noël. Mais par contre, je crois toujours à la machine à voyager dans le temps. Et ça, je vais te dire de quoi, là, puis je sais qu'il y a bien des gens qui nous écoutent qui vont peut-être dire « Ouais, il est un peu naïf », mais je crois encore aussi à la machine à voyager dans le temps. Ça, j'y crois. Je suis sûr qu'il y a une technologie éventuellement qui va nous amener à ça et qui fait qu'on va voir des gens qui vont pouvoir éventuellement voyager dans le temps. Mais indirectement, on l'a, la machine. C'est juste qu'on ne le vit pas, mais on le voit. Donc, tu as le cinéma, la télévision, la littérature, tu as les musées. Quelque part, on a cette machine à voyager dans le temps qui nous permet de reculer, de voir comment nos ancêtres vivaient, tout ça. Mais c'est sûr qu'on ne le vit pas. Oui, puis on pourrait en parler longtemps parce que moi, quand je rentre là-dedans, c'est sûr que c'est quelque chose. Mais là, je vais plutôt continuer à te parler de ça, parce que ça a tout déclenché, cette première... ce premier contact-là avec ce qui va être ma passion. Donc, il y a une chose qui était sûre déjà à cette époque-là, c'est que j'aimais aussi déjà les vieilles images. Pourquoi? Parce que ma mère et moi, on partageait un peu ce genre de choses-là au niveau du passé. On regardait souvent des vieilles photos, puis des vieilles photos de famille. Et moi, ce qui attirait mon attention sur ces photos-là, c'était surtout, entre autres, de voir les gens plus jeunes de ma famille, tu sais, je peux pas croire que ma tante a déjà été jeune, tu sais. Puis, ensuite de ça, il y avait aussi les voitures. Vois-tu, déjà là, les voitures, c'est encore ma passion. Les voitures anciennes, moi, je suis quelqu'un de passionné par les voitures anciennes et j'aimerais bien en avoir une. Mais par contre, je ne suis pas le genre de personne qui va flatter une voiture. Alors, il faut que je fasse attention à mes passions des fois. Il faut que je mesure ce que je suis capable de faire et de ne pas faire. Oui, parce que ça coûte cher avoir une vieille voiture. Oui, exactement. Il y a d'autres choses qui ont fait que ma passion est née et s'est alimentée. Moi, dans ma famille, j'ai un oncle qui était journaliste. Et son nom, Jean-Claude Paquette, pour ceux qui s'en souviennent, c'est Monsieur J.C. C'était le professeur J.C. qui faisait des chroniques dans Le Soleil et La Presse. Et ça lui a ouvert aussi des portes pour écrire justement ses énigmes en livre. Et il a fait par la suite une série sur la médecine, parce qu'il y avait la chronique médicale à la fin de sa carrière là-dedans. Et moi, de voir quelqu'un qui écrivait, je trouvais que ça avait l'air d'un métier intéressant, passionnant encore une fois. Et ça, encore là, ça vient se mettre en moi cette chose-là. Tu sais, je me dis, photo, écriture, tu sais, il commence à avoir des liens, là, tu sais, machine à voyager dans le temps. Tout commence par là. Ah, comme j'aime la photographie, en 1979, le grand bond. Je m'achète un appareil photo, un petit appareil 110, le Trimlight 38 de Kodak. Wow! Mais hein? Wow! Mais hein, certain. Écoute, moi, c'est fou, je me souviens, les toutes premières photos que je réalise avec cet appareil-là, tu sais, il y en a qui vont photographier leur famille. « Hey, grand-papa, j'ai acheté un appareil photo, je vais te prendre en photo, je vais te prendre en photo. » Pantoute. Moi, ça n'a jamais été ça. Même professionnellement, j'ai jamais photographié les membres de ma famille, quasiment. Okay. En tout cas, au niveau professionnel. Là. Mais par contre, les premières photos que je vais faire vont être... Et là, tiens-toi bien, je dois être aussi un ambassadeur de ce genre d'image-là. je m'en vais sur la montagne. Moi, à l'époque, je restais à Saint-Émile. Je m'en vais sur la montagne et là, je m'installe. Et là, je commence à faire, imagine, un clic vers la ville. Là, je me déplace légèrement. Je fais un autre clic, toc. Je fais un autre clic, toc. Coudonc, pour faire une photo panoramique. J'ai fait le montage de cette photo-là par la suite et c'est effectivement, ça a donné un panoramique. Mmh. Écoute, là, à ce moment-là, j'ai 14 ans, je fais avec mon premier appareil photo puis mon premier film, un panoramique. Ensuite, je vais photographier les voitures de mes parents puis des choses comme ça. Donc, encore là, toutes les choses qui me passionnent. Donc, la photo, vraiment, c'est le point déclencheur de mes passions à ce niveau-là. Par la suite, bien sûr, bon, là, je te disais que j'avais 14 ans à ce moment-là, mais il y a des études qui s'en viennent là, également un peu plus tard. Donc, je vais suivre, moi, des cours en lettres au cégep François-Xavier Garneau. Ça, c'est le genre de cours qu'on prend quand on ne sait pas dans quoi qu'on veut vraiment s'en aller. Et moi, c'était très dur de savoir dans quoi je voulais m'en aller. Il y avait plein de choses qui me passionnaient. Mm-hmm. Je te jure, même au niveau des études, il y a plein de choses qui me passionnent. Parce que à la base, je suis quelqu'un qui aime faire des recherches. Je suis un recherchiste. Or, je ne savais pas vraiment dans quoi aller, mais par contre, les lettres, il y avait quelque chose qui m'attirait là-dedans, c'était le cinéma. Parce qu'on pouvait, en lettres, aller plus dans le secteur du cinéma, et c'est ce que j'ai Québec fait. Québec est reconnu pour, au niveau des cours de cinéma, en scénarisation et en choses comme ça, on n'est pas très actif sur la production, on est plus actif sur la pré-prod. Surtout à Québec, parce que c'est... puis ça, je l'ai vécu, parce que à Québec, c'est plus des pédagogues qui nous donnent ce genre de cours-là. Et quand tu vas juste à Montréal, moi, j'ai étudié le cinéma à l'Université de Montréal, et là, c'est j'étais contraire. Vraiment avec Marcel Jean, j'étais avec des gens qui... tu sais, des gens qui sont dans le domaine du cinéma, qui nous enseignent le cinéma, et c'était très intéressant. Donc, je viens de le dire, j'ai suivi aussi un cours de cinéma à Montréal, à l'université. Et par la suite, je reviens à Québec. Et là, finalement, après quelques... je travaille un peu tout ça. Puis finalement, je décide d'orienter ma carrière vers la photographie. Donc, je cherche un cours de photographie. Et ça se donne, justement, ici à Charlebourg. Ça se donnait à l'époque à la polyvalente de Charlebourg, des cours pour adultes. Ouais, ils appelaient ça, eux autres, le Centre professionnel du Très-Carré. C'était les cours pour adultes, mais il y avait également les cours de jour, parce que moi, je ne sais pas si tu te souviens... Mais la première année, on a suivi ensemble, puis après ça, tu as shifté le jour, alors que moi, j'ai continué de soir. Exactement, parce que j'avais des obligations familiales, j'étais déjà papa à l'époque. Et je devais quand même consacrer un peu plus de temps au niveau de la famille. Donc, j'avais fait ce switch-là. Fait que moi, j'ai eu la chance de connaître l'équipe de soir et l'équipe de jour en photographie. Puis ça, ce moment-là, bon, nous, on en parlait tout à l'heure. C'est un moment quand même assez bizarre parce qu'il se passe plein de choses au niveau de la photographie. On sent qu'il y a quelque chose qui s'en vient au niveau du numérique, mais ces choses-là, bizarrement, sont retardées en raison d'une guerre qui se passe dans le Golfe Persique. Bizarrement, ça retarde les recherches à ce niveau-là. Or, il y a comme un grand trou, là, à un moment donné, où ce que les gens ne savent pas trop quoi faire. Puis moi, ben à ce moment-là, je me pose des questions. Là. Je me dis, écoute, si je m'en vais en photographie, dans quoi je m'embarque, tu sais, puis tout ça. Parce qu'il faut comprendre qu'ils formaient 40 photographes par année. C'est énorme. Surtout qu'il y en a peut-être là-dedans deux, trois qui vont faire une carrière. Puis encore là, on est vraiment dans un gros pourcentage. Puis je pense que notre groupe était probablement un de... Puis on parle de groupe de soir, là. C'était le groupe où je pense qu'il y avait le plus de possibilités d'avoir des gens qui allaient faire carrière dans ce domaine-là. Puis si je ne me trompe pas, je pense que de tous ces gens-là, il doit en rester deux. Toi et puis une autre personne que je connais. Moi, j'ai été dans le domaine pendant 12 ans, mais à un moment donné, j'ai pris ma retraite du milieu. Dans le cours du soir, je sais de qui tu parles. Tu parles sûrement de France Bouchard. Donc, on avait... De Julie Bouchard. Exactement. Ces deux-là. Puis aussi, notre ami Luc Bergeron, qui est... Luc n'était pas dans notre groupe Il était dans mon groupe à moi Il était dans le groupe de jour. Puis je sais qu'il y en avait une autre aussi qui, à cette époque-là, était dans le coin de Saint-Anne-de-Beaupré, qui s'était ouvert son studio, exactement, que je ne sais pas si elle est encore en domaine de la photo, elle non plus. Tu sais que là, tu es en train de me faire pratiquer la mémoire des noms, hein? Mais c'est ça, c'est drôle parce que toi et moi, on est sur la même longueur d'onde parce que j'écoute ton histoire depuis tantôt, puis j'ai passé exactement par les mêmes mêmes affaires, les mêmes étapes, mais juste pas les mêmes passions. Mais puis c'est vraiment le cauchemar de quelqu'un qui a de multiples passions, c'est qu'est-ce que je fais de mon existence? Oui, parce que mes passions, hein, je t'en parlais, je fais une petite parenthèse là-dessus. J'ai été passionné par la musique, donc j'ai joué dans des groupes de musique, imagine-toi donc. J'étais claviériste, chanteur, je ne te chanterai rien, mais par contre, j'étais chanteur. J'ai été également dans une troupe de théâtre, la troupe Comme Toi, et j'ai fait quelques représentations avec eux. Ensuite, je sais que, bon, tu sais, la plupart des collectionneurs, ils passent tout un peu par là, soit qu'on collectionne la monnaie ou les timbres. Moi, j'ai collectionné de la monnaie. Sur la collection de monnaie, j'avais mis fin à ça quand que, justement, j'ai eu mon premier enfant, parce que là, il fallait que je me dise, écoute, là, je suis mieux de mettre de l'argent dans la collection de monnaie ou de mettre de l'argent sur ma famille. Oui. Puis, ensuite de ça, il y a une collection, par contre, que j'ai faite qui, encore là, fait partie d'une passion incroyable qui reste encore dans le domaine de la photographie. Imagine-toi donc, j'ai cumulé plus de 400 appareils photographiques. Mais il y avait un but encore là. Oui, mais c'est dans différentes époques. C'est la création, oh oui. Pareil, on parle de deux, de voyons comment on appelle ça, donc des deux écarts. Écoute, il y avait des 4x5, des foldings, des appareils, des boîtes, là, des box. Là, ah oui, on parle de. Wow. J'avais des appareils qui dataient de 1800 quelques à aujourd'hui. Là, écoute, c'est passionnant. Et puis, ça m'a permis ça de participer, de faire en fait une exposition pour les 160 ans de la photographie au Moulin Marcoux. Ça a été une exposition qui a été là tout l'été. Ça coïncidait avec, entre autres, l'inauguration de la salle Linda Lemay, parce que Linda, justement, elle vient de ce secteur-là, du Moulin Marcoux à Pont-Rouge. Et ils ont fait une salle à son nom. Et puis, j'ai eu la chance de la rencontrer, de lui faire visiter mon exposition. Personne hyper sympathique. Alors, parenthèse terminée, je reviens à mes affaires. Là, on a suivi le cours, si on reprend le fil là, de la chose, de l'histoire. Donc, on est rendu au début des années 90. Là, on est rendu en 1993, on termine le cours de photographie. Donc, on ne sait pas trop vers quoi on s'en va, les appareils, c'est quoi qu'on achète comme appareil, les films s'en vont, le numérique s'en vient, mais il n'est pas à point. Bro, ça commence à être compliqué, cette affaire-là. On commence à faire nos labs à Québec. C'est ça. Fait que moi, mes premiers travaux que je fais dans le domaine de la photographie, ça va être de travailler pour le studio japonais, le centre japonais de la photographie. Mais je reste pas là longtemps, je m'écœure assez vite, mettons. T'sais, c'est pas passionnant, ça. Ça, je m'en rends compte, là. Quand on avait des cours de photographie, on avait des stages. Tu te souviens de ça, les stages? Oui. Moi, j'ai fait un stage, le premier stage, je l'ai fait avec Imagix. Eux, ils faisaient de la photographie qui m'attirait, tu sais. Ils pouvaient recréer là, des vaisseaux dans l'espace, toute la patente. Il y avait un gars qui travaillait là qui était vraiment passionné, puis c'était le fun de travailler avec eux. Mais par contre, la deuxième année, j'ai choisi un autre domaine. C'était, j'ai suivi un historien qui est assez connu à Québec, Michel Lessard. Donc, j'ai collaboré avec lui à son encyclopédie sur les meubles et objets de la civilisation. Et ça a vraiment déclenché vraiment mon amour pour ça. Or, qu'est-ce qui fait... Là, j'ai pensé à mon affaire, je me suis dit, écoute, Jocelyn, la photographie, oui, mais par contre, on n'est pas branché, en fait, là, encore sur la technologie. Et il s'offre une opportunité à moi qui, en 1997, est qu'un photographe met son studio en vente. Là, je me dis, écoute, je vais acheter le studio du monsieur, puis je vais travailler pour faire du service à la clientèle avec les mariages, les portraits, tout ça. Tu sais, exemple, quelqu'un qui ça fait 25 ans qu'il est marié, j'y donne des photos de mariage, j'y refais un album 25 ans plus tard. Mais je me rends compte très rapidement, en ayant le studio, qu'il y a des photos là-dedans de voitures, de bâtiments qui sont disparus, que la patente, hey, l'histoire est là-dedans. Puis là, je me souviens de ce que j'avais fait avec Michel Lessard. Je me disais, tabarouette, il y a de quoi tirer là-dedans. Là, ça va être, je peux commencer à travailler peut-être avec des historiens, puis tout ça. Alors là, je me mets à acheter des studios de photographie à partir de 1997. Le studio Couture de Saint-Agapie est le premier studio que j'achète. Lui, il y a un beau-frère, Jean-Paul Mercier, à Saint-Raphaël-de-Bellechasse, qui est également photographe. Il me le fait acheter. Il me fait acheter son concurrent, Geoffre Plamondon. Et plus récemment, il m'avait fait acheter, en 2007, le studio de Charles-Henri Leclerc de Sainte-Pétronille à l'île d'Orléans. Finalement, Jocelyn, ce que tu es en train de dire, c'est qu'au lieu de devenir un photographe standard, t'as décidé d'acheter la compétition. Ben, j'ai acheté, si tu veux, oui, mais en fait, j'avais des buts là-dedans, effectivement, de continuer à offrir le service à la clientèle, comme je disais, mais en même temps, de sortir de ces boîtes-là tout le patrimoine qui est endormi et qui est très important. Et là, je vais acheter comme ça une dizaine de studios de photographie par la suite. Je vais acheter des fonds professionnels, oui, mais je vais aussi acheter des fonds d'amateurs. Je vais même aller sur des sites d'enchères comme eBay, pour ne pas se le cacher. eBay, sur lequel je vais aller chercher des photographies de Québec qui ont été prises par des touristes qui étaient venus ici à Québec dans les années 50, 40, 60. Et je vais bâtir comme ça ma collection. Excuse-moi de te couper, mais est-ce que tu achètes les photos ou tu achètes les négatifs? J'achète les négatifs. Oui, parce qu'au niveau du droit d'auteur, c'est ça. C'est la personne a le droit de faire de quoi avec les négatifs, mais pas avec les photos. Exactement. Donc, moi, tout ce que j'ai, ça repose sur des plans films. Tout le temps. Donc, c'est vraiment les négatifs, les diapositives, les Super 8. Oui. C'est ça. Et là, toutes ces images-là, je vais acheter ça. Je vais bâtir une énorme collection. On parle... présentement, au moment où on se parle, je possède entre un négatif et 10 millions de négatifs. Il y a un chiffre là-dedans qui est le chiffre, mais là, je ne sais pas lequel. Et donc, il y a des gens qui, suite à ça, qui savent que j'ai collaboré à beaucoup de livres, que j'ai collaboré au cinéma, que j'ai collaboré à différents sites sur l'Internet et tout ça. Et moi-même, j'ai écrit un livre en 2001 qui était le livre « Québec, les images témoignent », qui était justement ma machine à voyager dans le temps. Je venais, moi, de créer ma propre machine à voyager dans le temps. C'est-à-dire qu'à partir de ce livre-là, il y a des itinéraires. Et ce qu'on voit, c'est comment était l'endroit que je présente en 1870 environ et aujourd'hui. Mais la personne, ce qui était intéressant avec ça, c'est un guide de promenade. Donc, tu pouvais prendre le livre et le tourner, puis chaque sujet, chaque fois que tu tournais la page, était soit sur ta route ou déjà autour de toi. Et ça a été un très grand succès. Écoute, on a vendu 10 000 copies françaises de ce livre-là. On en a fait également 1500 copies anglaises. Donc, mais ça, les copies anglaises se sont vendues un petit peu moins, mais par contre, les copies françaises, on a voulu les réimprimer parce qu'il y a eu deux fois des réimpressions en 2004 et 2005. Et puis, en 2008, c'est moi qui ai refusé. Pourquoi? Parce que je mettais de l'avant mes cartes postales. Donc, ça, c'est une autre chose pour laquelle les gens me connaissent beaucoup, pour les fameuses cartes postales collection art. Et ça, c'est une erreur de ma part. J'ai fait une petite erreur. Je ne voulais pas marquer collection art parce que je me suis rendu compte qu'à peu près les gens disaient ça. Je pensais qu'il y avait un genre de lien qui se faisait pour faire collectionneur, pour se rapprocher du terme collectionneur. Mais finalement... Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Même les gens appellent ça collection art. Donc, écoute, c'est sûr qu'on pourrait en parler énormément longtemps, mais je sais qu'ici, on a quand même un certain temps à respecter. Ben oui, malheureusement. Et tout simplement, de toute façon, pour te dire qu'on va quand même de toute façon y revenir, parce que dans les prochaines chroniques que je vais te livrer, on va parler de ces fonds-là. On va faire quand même un genre d'introduction par rapport à l'histoire de la photographie, parce que l'histoire de la photographie, il faut comprendre un peu ce que c'est. Pour voir en fait là où on va aller avec ça. Parce que là, c'est sûr, on est en 2017, la photographie, maintenant, c'est pas les photographes nécessairement. Là, tout le monde a un appareil photo maintenant, ne serait-ce qu'en ayant un téléphone. On est avec un appareil photo. Le numérique, de toute façon, tout le monde maintenant se dit photographe, tout le monde se dit laboratoire de photographie et... T'sais, maintenant, avant, à l'époque, tu mettais un photographe, tu devais faire affaire avec un lab pour faire développer tes photos. Après ça, tu avais un travail à faire. Aujourd'hui, tu as ton cellulaire, clique, tu montes la photo, tu recadres, tu imprimes. La qualité est belle. Oui, elle est très belle. La qualité est belle, à cette heure. Et même jusqu'à un certain point supérieur à ce qu'on avait à l'époque. Oui. Vois-tu, moi, mes derniers voyages que j'ai faits en Europe, je traînais plus mon gros appareil photo, là, c'était trop lourd. Puis en plus, je passais pour un touriste. Ouais. J'étais un touriste, mais passer pour un touriste, c'est plate. C'est sûr. Fait que parce que là-bas, les gens viennent t'accoster, t'as l'air d'un touriste, fait qu'on va essayer de te soutirer des sous. Tandis que là, à cette heure, tu t'en vas, t'as ton petit appareil, mais tu te débrouilles très, très bien, fait de super belles photos. Donc, dans les prochaines chroniques que je vais te livrer, ça va être un peu ça. On va parler de ces studios-là que j'ai fait. On va parler, entre autres, là, comme je te disais en introduction, de l'histoire de la photographie. Ça va faire le sujet d'une chronique. Et par la suite, à partir de ma chronique 3, là, on va rentrer dans ces studios-là, dans lesquels il y a des fois des petits trésors. Et ça, le but de ces chroniques-là, en fait, ça va être pour amener nos auditeurs à savoir si eux aussi ont des petits trésors. Là. D'ailleurs, je vous demande, là, les auditeurs, levez la main ceux qui pensent avoir des petits trésors dans leur collection, là, et on va voir ensemble comment faire peut-être des sous avec ça également aussi. Ça, ça peut être intéressant. Parce que, vous savez, diffuser des images, on a parlé un peu au niveau tantôt des droits d'auteur, mais diffuser des images, c'est payant. Et moi, c'est de ça que j'ai vécu pendant des années et des années. Et je ne cacherai pas à personne non plus que cette année, après plus de 30 ans d'existence, je vais prendre ma retraite à la fin de l'année. Donc, il faut en parler tout simplement. Mais oui. Mais c'est ça. Mais c'est que... tu vas prendre une retraite physique, mais verbale. C'est ça. Mais pas une fin de passion. Non, tu vas nous larguer à travers les ondes de ta fabuleuse passion pour tous ces univers passionnants qui vont regrouper la photographie et l'histoire. Jocelyn, un gros merci. Et puis, on se dit à la prochaine. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.